Chapitre 41e. Celui que revit le marquis Van Hoop, après l'avoir souvent rencontré dans le monde, lui, l'homme calme, froid, flegmatique, ne l'aurait certainement pas reconnu. Le marquis était effrayant à voir. D'une pâleur livide, l'œil étincelant, les narines frémissantes, il regardait Dainata comme le reptile charme sa proie. Dainata était souriante, les bras croisés. « Tue-moi, parjure, lui dit-elle. Tue-moi, avant d'avoir acquis la preuve que je viens de te promettre. » Le marquis se souvint de son serment, et son bras, levé sur l'Indienne, s'abaissa. « Eh bien, dit-il avec rage, parle, Dainata, parle et prouve. Si tu as dit vrai, ce ne sera pas toi qui mourras, c'est elle. Ce n'est pas Pepa Alvarez que j'aimerais au-delà de la tombe, c'est toi que j'aimerais vivante, c'est toi que j'épouserais. Vrai, dit-elle, oui, mais parle. » Elle ne perdit rien de sa tranquillité et répondit « C'est aujourd'hui que j'ai bu le poison, Hercule. Dans 8 jours, heure pour heure, je serai morte. Toi seul peux me sauver. Parle, parle !» s'écria le marquis. « Écoute-moi donc, dit-elle, puisque tu as juré, écoute-moi. » Il s'assit, accablé. Car Dainata parlait avec un terrible accent de vérité et le poignard échappa de sa main. « Si dans 7 jours, tu n'as pas surpris un homme au genou de ta femme, dans un lieu qui n'est point ton hôtel, tu me laisseras mourir. » Et, demanda le marquis, dont la voix couvrait des tempêtes, tu me prouveras qu'elle est coupable? Je te le prouverai. Maintenant, souviens-toi de ton serment, car tu m'as juré d'obéir. Je t'obéirai. Tu es un homme, poursuivit Dainata. Un homme doit avoir la force de dissimuler. Un homme doit pouvoir, s'il le faut, mettre sur son visage un appareil de glace. À mesure que Dainata parlait, les traits crispés du marquis reprenaient peu à peu leur sérénité. Son œil redevenait morne, et son visage tout entier eut bientôt repris son masque de froideur. « Rentre chez toi, lui dit Dainata, rentre et attends. Si tu veux que je puisse te livrer les coupables, il faut que les coupables se croient à l'abri de l'impunité. Mais, s'écria le marquis, son nom, dis-moi son nom. Quel nom? Celui de cet homme? Non, dit Dainata, pas encore. « C'est bien, dit froidement le marquis, j'attendrai jusqu'au jour indiqué. Pas un muscle de mon visage ne tressaillera. Mon cœur ne battra pas plus vite. Je continuerai à regarder ma femme avec sérénité, à toucher sa main, à lui sourire. Puis le jour venu, si tu as dit vrai, je la tuerai. Si tu as menti, c'est toi qui mourras. Je ne mourrai pas, dit-elle, et tu m'aimeras. Je t'aimerai. Je serai ta femme. Oui, sur la cendre de nos pères. « Je le jure. »« C'est bien, Hercule Van Hoop, dit-elle. Maintenant, adieu, dans 7 jours. » Elle ramassa le poignard qu'il avait laissé tomber et le lui donna. « Tiens, lui dit-elle, pour l'amour de moi, tu l'as donc avec ce jouet. Il a été forgé pour elle. » Un atroce sourire, un sourire de tigresse glissa sur les lèvres de l'Indienne. Puis elle prit de nouveau le marquis par la main. « Tiens, dit-elle, et va-t'en. » Elle ouvrit une porte placée en face de celle par où était entré le marquis et le poussa dans un corridor où il se sentit saisi par une main d'homme. « Adieu !» lui dit encore Dainata. Le marquis fut entraîné dans l'obscurité, descendit un petit escalier et se retrouva dans la cour. Là, le valet cuivré qui lui avait servi de guide le salua et disparut. Le marquis s'en alla à pied, de ce pas chancelant et aviné d'un homme qui voit tout à coup l'avenir et le présent s'écrouler devant lui. Dainata venait de rejoindre au salon le fringant vicomte de Campbell. Rocambole, durant son séjour à New York, avait appris assez d'anglais pour pouvoir causer assez facilement. L'Indienne s'assit auprès de lui et lui dit « Il est parti. »« Convaincu ?» demanda Rocambole. « Convaincu et attendant la preuve. »« La preuve, il l'aura, » dit froidement le lieutenant de Sir Williams. « En êtes-vous sûr ?»« Oui. »« Il va de ma vie, » dit-elle tranquillement. Il y va pour nous de 5 millions. Car, reprit-elle, vous ne savez peut-être pas une chose, c'est que, la marquise innocente, je mourrai de toute manière. Comment cela? D'abord, il me tuera. Mais s'il ne vous tuait pas, vous n'avez pas pris le poison, j'imagine. Non, dit-elle, mais je vais le prendre. À quoi bon? Parce que la pierre bleue qui sauve ceux qui ont bu du jus de Montsoligné tue ceux qui n'en ont pas pris. Ah, diable, fit Rocambole. Et puis, acheva-t-elle, comme j'ai résolu de mourir s'il ne m'aime pas, si je ne puis devenir sa femme, Vous la serez, répondit Rocambole avec certitude. Alors l'Indienne tira de son sein le flacon, du contenu duquel elle avait répandu à terre une moitié, le porta à ses lèvres et but. Elle but jusqu'à la dernière goutte. « Maintenant, dit-elle, en reposant froidement le flacon sur une table, il n'y a plus que son amour et la pierre bleue qui puissent me faire vivre. »« Vous vivrez, dit Rocambole, qui avait une foi aveugle dans le génie de Sir Williams. »